الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلازلنا مع كتابنا علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة وقد وصلنا إلى السؤال الذي هو كيف يكون الإنسان سلفيا أو كيف ينتسب المسلم إلى أهل السنة والجماعة فأولا تحقيق المنهجية الصحيحة وتعني العودة بأصول الفهم والتلقي والاستنباط إلى الكتاب والسنة وقواعد الفهم المعتبر لدي خير القرون كما تعني تكوين أسلوب للنظر في الكليات الأمور ومهمتها وإنشاء منهجية للتعامل مع الأحداث والحكم على المواقف والأشياء والأشخاص والضبط المناحي العلمية والعملية كافة بطريقة منهجية وتنبثق من مشكات الصحابة والتابعين والسلف الأمة الصالحين وأهل الحديث المتابعين. Donc premièrement, comment les gens peuvent donc réellement savoir s'ils font partie des gens de la sunna et du consensus? Du fait que ce n'est pas juste en vérité donc ce qu'on appelle eddia, ce n'est pas juste en réalité une prétention. C'est en réalité de revenir aux bases de la compréhension. Donc c'est usul al-fahm, les bases de quoi? De la compréhension et de prendre donc ces bases-là ainsi que de légiférer, de prendre les règles qui nous amènent à ces bases à partir du Coran et de la Sunna. Il y a des règles pour de compréhension. La compréhension, elle a été aussi donc régie. L'istinbatat, donc les règles qui existent, les qawaid qui existent, elles ne sont pas venues comme ça. Elles ont été donc régies par les savants. Et elles ont été régies par qui? Par les meilleures générations, les meilleures époques. C'est-à-dire le fait donc de bâtir à partir d'un regard, c'est-à-dire le fait de regarder donc les bases ou les sujets de façon générale, ainsi que les sujets importants. C'est de voir qu'est-ce qui était à l'origine déjà donc dans l'islam de base et d'importance. Pour justement donc faire la même chose. Donc si c'est de base et c'est d'importance, donc c'est la première chose qu'il faut connaître. Et aussi, donc comment on va se comporter lorsque tel ou tel événement survient. Donc dans le temps, il peut très bien y avoir des guerres, il peut très bien y avoir énormément de choses. Il y a donc des événements qui surviennent. Comment se comporter vis-à-vis des événements. Ainsi aussi que comment donc légiférer ou bien comment juger et statuer par rapport à donc, des situations, à des choses ou par rapport à des personnes. Et tout cela, donc il faut bien sûr donc, avoir donc, une façon de faire, ce qu'on appelle un manhaj, une façon de faire, une voie. On ne va pas l'inventer. On ne va pas décider de nous-mêmes comment ça va se passer. Alhamdulillah, les savants qui sont venus avant nous l'ont fait. Et cette tariqa, cette façon de faire, elle a été prise, donc elle est tirée de qui? Bien sûr, donc des plus prédécesseurs. Et en premier lieu, donc les compagnons du prophète, radhiyallahu anhum, ainsi que leurs successeurs, at-tabi'in, et les plus prédécesseurs de cette communauté. Et les gens du hadith qui suivent donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وهذا يشمل العناية بمنهجيات أصل أصول أهل السنة وهو العقيدة ويشمل أيضا العناية بأصول العبادة ومنهج التنسك والأمر والنهي والسلوك والأخلاق ورياضة النفوس مع التحقق بمنهجهم وموالتهم يعني بمحبتهم وموالتهم رضي الله عنهم وتحلي بجميل شمائلهم. Donc cela aussi va comprendre et comporter le fait de donner attention, de prêter attention à la voie qui a été suivie, donc bien sûr dans la base des bases. La base des bases chez les gens de la sunna et du consensus, c'est quoi? C'est al-aqida. Donc de connaître le tawhid et de savoir comment le tawhid il a été compris chez les plus prédécesseurs et comment donc nous on doit donc l'accueillir et l'accepter. Il va aussi comprendre le fait de prêter attention aux origines de l'adoration ou aux bases de l'ibada et comment on va adorer. Al-qawaid par rapport à l'ibada. On sait que, maintenant, si on donne un exemple par rapport à l'ibada, donc comment adorer, on sait que l'asl, fil l'ibada, c'est al-mana. L'origine dans l'adoration, c'est quoi? C'est l'interdiction, al-mana. Illa idaja dalil. Sauf s'il y a une preuve que cela est légiféré. Est-ce que si quelqu'un avait décidé de, après Salat al-Isha, de faire une prière obligatoire, hein, donc il décide de rajouter une sixième prière prescrite, est-ce que cela lui est permis? C'est permis? Pourquoi? Parce que c'est pas légiféré. Donc à l'origine, c'est quoi? C'est Al-Mana. Il a déjà dalil. Bilax, ça c'est par rapport à l'ibada. Et aussi après, on va rentrer aussi, si on continue à rentrer encore dans les bases, qu'est-ce qu'il faut pour l'ibada? Il faut l'ikhlas. Si tu n'es pas sincère, ton acte ne sera pas accepté. Si tu le fais pour autre qu'Allah, ça ne sera pas accepté. Donc ça c'est une règle. Il faut l'mutaba'a. Il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quoi? Il faut donc cela aussi. Si tu inventes une prière et que tu décides de prier une rakha, on dirait sur la qibla, mais une rakha, hein, tu ferais un demi-tour et l'autre un demi-tour. Mathan, c'est un exemple que je donne. Et à chaque fois que tu changes d'orientation, ça ne va pas être accepté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas légiféré, ce n'est pas une sunna. Aussi, si tu as décidé, Mathan, de prier le dhuhr 2 heures avant, ce n'est pas accepté. Parce qu'on connaît les conditions, on connaît les horaires. Donc il y a tout ça, c'est ça le manhajia. C'est connaître en vérité d'awabit qui existent, hein, par rapport aussi au kem, donc au kef, le comment, au kem, le nombre. Tu ne vas pas prier maintenant le maghrib 4 rakha. Tu ne vas prier que 3. Parce que tu ne vas pas dépasser le chiffre qui est donc convenu. Et aussi donc, wal amr, wal nahi, donc le fait de recommander et d'interdire, donc d'ordonner, d'interdire. Et aussi donc le bon comportement. Et comment donc faire des efforts sur soi-même. Quand on dit riyadat al-nufus, c'est-à-dire en vérité par rapport au fait de faire des efforts sur soi-même. Comme lorsqu'on tu jeûnes, lorsque tu vas au hajj ila akhirih, lorsque tu vas te retenir, lorsque tu vas faire le rappel d'Allah Azza wa Jal. Tout, non seulement tu vas simplement voir comment aussi ils étaient donc... les compagnons par rapport à tout ça, mais en plus il est obligé que tu les aimes, hein, et que tu en sois allié. Donc tu dois en vérité donc les aimer, les compagnons du prophète, ça rentre aussi dans le justement donc le manhajia. Et donc de se comporter comme ils se sont comportés, donc de façon donc comme ils se sont comportés de façon générale. Voilà, yasihu qasr haqiqat al-intisab ila ahl sunnah wa salaf ala الاشتغال بمسائل ومشاكل سادت فترة ثم غابت فإن المنهجية التي واجهت فتنة القول بخلق القرآن فأثمرت مواقف مشرقة حفظت وجه الحق ناصعا مبينا ويحب أن تحيا وتواجه اليوم فتنة تحكيم الشرائع الوضعية والولاء القومية والوحدة الوطنية. Donc, maintenant, tu ne peux pas te permettre de, donc, dans Al-Manhajia, c'est-à-dire par rapport à le fait de dire que tu fasses partie de pieux prédécesseurs, de ne t'occuper que d'un sujet. Hein, maintenant. Alors que des fois, vous ne faites que d'un problème, et puis alors que ce sujet, il est passé. Maintenant, ce problème-là, il est terminé. Hein, comme on voit. Donc, des gens qui viennent et qui veulent donc justement ils veulent faire revivre, hein, certaines fitaines. Il y a des gens qui donc là à ce moment-là, donc il fait allusion au khawarij, eux, ce qu'ils vont faire croire, c'est donc ils vont parler à Kuhel par rapport à ce qu'il y a par rapport au Tahakum, donc le Sharia al-Wada'iyya. Donc ils vont parler par rapport justement à ceux qui donc placent donc actuellement donc des lois qui ne sont pas des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils rentrent dans ces histoires-là. Et ils font donc automatiquement des dégâts. Ou bien les gens aussi qui vont justement appeler les gens à aimer ou à être alliés que d'une seule tribu ou d'un seul pays, l'akhiri. La Qawmiya, par exemple. Donc le monde arabe. Et ça, c'est, on l'entend partout. On l'entend partout. S'il se passe quelque chose, مثلا, en Palestine, les Palestiniens ils vont dire Aïn al-Arab. Et en vérité, le plus vrai, c'est de dire Aïn al-Muslimoun. Pourquoi Aïn al-Arab? C'est Aïn al-Arab, c'est-à-dire que les trois quarts des musulmans, tu les as retirés. La Qadia مثلا, de Palestine, c'est pas une Qadia arabia, c'est une Qadia islamia. Ici, elle est islamia, donc même l'Africain et même l'Asiatique et même l'Européen musulman, il doit être touché. Donc, c'est un exemple, ça c'est un exemple justement. Si tu as décidé de faire un. Si tu entres dans le Qawmiya, tu connaîtras à Kulhel ses dégâts. Et pour cela, il faut revenir aux gens de science. C'est pour ça qu'Allah Azzal dit au Kridi Wa la radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladina yastambitunahu minhum. Donc si seulement ils étaient revenus, lorsqu'il y a une qadia, là il parle par rapport à des machakil, s'ils étaient revenus aux prophètes et à ceux qui ont donc l'ordre, dans le sens à ceux qui ont le ilm de ceux-là, qui connaissent, donc le seraient ceux justement qui donc sortent les règles de ceux-là. Donc ceux qui vont en vérité donc prendre le sujet, qui vont après donner un avis juridique, religieux par rapport à cette situation-là, à cet événement-là. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السنة كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. Donc il dit bien النبي صلى الله عليه وسلم, le livre d'Allah, il y a donc dans son livre la lumière, donc la guide et la lumière, et prenez du livre d'Allah et accrochez-vous avec, et accrochez-vous donc avec. Donc voici en vérité le manhajia qui est donc صحيحة وعليه فإن المنهجية الصحيحة لا تقبل أن تستهدف الدعوة في بعض مواقع تحليل العقائد من الشرك والأموات والأوثان ثم تضرب ذكر يعني صفحا عن الشرك الأحياء والأوضاع والنظم المعاصرة. Donc toujours ici la même chose. Donc lui il veut dire que ici d'accord, lorsqu'il dit que le manhajia qui est bon ne doit pas juste à couler hell par rapport à lorsqu'il parle du tawhid, ça ne s'arrête pas donc juste fait de parler du shirk qui existe par rapport à la mouette, mais il parle aussi donc par rapport à ceux qui adorent donc même donc des fois des personnes ou des choses ou bien donc des lois et autres, des lois qui sont venues maintenant, dans le sens où il faut faire attention de pas savoir de quand est-ce qu'en vérité il faut savoir qu'une chose est shirk ou bien une chose n'est pas shirk. Et toujours par rapport, donc il parle par rapport à le fait de ne pas glisser par rapport à cela. Aussi, parmi donc tahqiq al-manhaj as-sahih, c'est ta'dim aqdar as-salaf wa i'timaduhum marja'iyya 'amma bil akhdhi 'an 'ulama'ihim wa tatalmid 'ala kutubihim wa tatalmad 'ala kutubihi wa tatalmud 'ala kutubihim wal fi'a ahkamihim wa fanawahum. Donc ici aussi, il montre comment les gens donc, doivent toujours en vérité donc, connaître l'importance des plus prédécesseurs. Donc salaf, lorsqu'on dit ce mot-là, hein, justement le fait donc salaf, plus prédécesseurs, les gens, parce qu'en réalité, si tu prends ne serait-ce que la vie d'un d'entre eux, tu comprendras et tu verras en réalité donc comment cette personne-là, elle a passé sa vie donc à connaître la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment elle a passé sa vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après ce moment-là, tu connais donc leur situation, tu connais leur place et leur valeur. Et de les considérer comme des exemples de façon générale. Et de prendre donc des ulama de cette époque-là, donc des savants de cette époque-là. Parce que c'était donc les savants d'époque très importante. Et qui ont été en plus donc recommandés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'être en vérité donc élève à travers leurs livres. Si tu veux en vérité donc enseigner, si tu veux étudier, c'est par rapport à ce genre de livres-là. Et de revenir aussi donc à leurs règles, à leur fatwa, tout en bien sûr donc connaître en vérité donc bien sûr donc au moment des situations il a écrit par rapport à leur fatwa mafan. Donc il peut très bien avoir des fois certaines fatwas qui auraient changé, ne serait-ce que parce qu'ils ont connu, pas parce qu'ils habitent à côté, mais en réalité parce que donc ils ont peut-être avec le temps lu plus de hadith, et donc les fatwas donc elles peuvent très bien changer, comme ça s'est passé pour les mêmes Shafi'i par exemple. Rahmallah. كذلك parmi l'ihraf في المنهجية donc c'est ihtikar l'asma al-shar'iyya al-sharifa ou al-manahij al-rabbaniya al-ma'souma wa khaltuha bil-ijtihadat al-bashariyya wa ilbasuha l'ubous al-hizbiyya كذلك تشويهها بتحكمات مذهبية. Donc aussi parmi ce qui a fait que les gens se sont égarés, parmi le fait que les gens se sont justement égarés de la vraie voie, c'est qu'ils n'ont pas respecté donc les noms qui sont légiférés, les asma shar'iyya, et qui sont nobles. Ils n'ont pas respecté. Il y a des gens qui se moquent du mot aqidah. Donc ils vont se moquer de ça. Il y a des gens qui vont écrire, qui vont essayer de... Donc ils vont taper des pieds et des mains, rien que pour dire que Tarsim, par exemple, de Tawhid dans Uluhiyya et Rububiyya, ça n'existe pas. Ils vont inventer. Et d'autres, il y a des gens qui vont dire que donc le khalaf, ceux qui sont venus après sont meilleurs que salaf, mathalan. Ils vont dire des choses comme ça. Donc ici, donc ces gens-là, donc ils vont automatiquement critiquer donc la vraie voie, qui est en plus exempte d'erreur. Elle est marsouma. Elle n'est pas marsouma min al khata, mais elle est marsouma min al zalal. Donc elle va être en vérité exempte de quoi? D'égarement. Elle va pas être exempte d'erreur, parce que tout le monde fait des erreurs. Mais il y aura pas d'égarement dans cette erreur. C'est pas des erreurs qui sont graves. Et ils vont mélanger ces voix-là avec quoi? Donc des efforts d'interprétation. Ijtihadat bachariya. Donc ils vont voir, quelqu'un a dit ça, ils vont mélanger. Alors que des fois il y a des choses où on ne peut pas revenir dessus. On peut pas, donc il n'y a pas d'ijtihad. Par exemple, l'aqida. Dans le tawhid, il n'y a pas d'ijtihad. Tu prends comme c'est venu. Donc tu vas accepter et prendre donc du livre d'Allah Azza wa Jalla et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas sortir d'autre chose que cela. Pour justement... Si tu as décidé de parler d'Allah Azza wa Jalla, spécialement sur l'Umur al-Ghaib, et spécialement dans ce qui a trait à l'invisible. Et aussi, donc, tu vas peut-être utiliser des méthodes pour justement que ces textes ou ces fatwas ou ces efforts donc, personnels sont plutôt en concordance avec ce que tu as comme passion, donc avec ton hizb. Et aussi, donc, bien sûr, tu vas le salir aussi, tu risquerais de salir en vérité donc, ce manhaj avec. Avec des jugements qui sont donc bien déterminés. Et ça, c'est interdit. Et parmi aussi, donc, les inhirafat, donc, fil manhaj, parmi aussi, donc, les égarements qu'il y aurait, c'est aussi ta'alluq bil ashras, dun al manhaj. C'est que tu sois accroché aux gens, soit que tu sois accroché, donc, à la voie. Un tel, il a toujours raison. Automatiquement, donc, si lui, il s'égare, tu vas t'égarer avec lui. Automatiquement. Parce que, on ne reconnaît pas, donc, la vérité, je veux dire les gens par la vérité, mais on va reconnaître en vérité. On va reconnaître les gens par rapport à la vérité, mais on ne va pas reconnaître la vérité par rapport à les gens. C'est parce qu'un tel est de tel côté de la barrière, ce que ça veut dire que c'est ça la vérité. La vérité, on l'apprend, on la connaît. Et après cette vérité, on regarde qui est dans la vérité. On ne va pas regarder où est un tel, donc la vérité elle est là-bas. Ça ne se passe pas comme ça. Donc le fait justement, donc par rapport à ça, c'est justement, on va arrêter de ramener les gens à une personne, une catégorie de personnes et de délaisser tout le reste. C'est pour ça que Abu Bakr Siddiq l'a bien dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, l'a bien dit, Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Certes, celui qui adorait Muhammad, certes Muhammad est mort. Et celui qui adore Allah, certes Allah est vivant, il ne meurt pas. Donc il montre bien, ça c'est le meilleur exemple. Parce qu'il a ici utilisé donc donc le meilleur des musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors si déjà on ne peut pas faire ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dire des autres? Et là on sait que le ta'assoub il peut être pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas pour les gens. Si on parle de ta'assoub, c'est le fait de suivi dans tout ce qu'a fait, mais sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut le suivre, dans tout. On peut être donc vraiment assidu dans ce qu'a fait le prophète Sam, mais pas chez les gens. Alors imaginez-vous, c'est pour comprendre la vérité de cela. Donc aussi, par rapport toujours à donc l'inhirafat fil manhaj, donc i'tibar al-masal al-ijtihadiyya allati tahtalifu الفتاوى بشأنه بشأنها زمانا ومكانا وأشخاصا من المنهج من ذلك تعميم اجتهادات أحد السلف في المسألة العلمية والفقهية وإهدار اجتهادات أخرى حيث أن المنهج بقواعده وضوابطه محل اتفاق وليس محل اختلاف. Donc le fait, donc ici si on voit donc un sujet où il y a permission des formes d'interprétation, parce que s'il y a permission, donc automatiquement ça va demander donc un ijtihad du savant, et on risquerait de voir donc des fois des irtilafettes par rapport à ce sujet-là, par rapport à un sujet, par rapport au temps, par rapport à l'endroit, par rapport à la personne. Donc, cela fait partie du ménage, dans le sens où tu ne pourras pas en vérité des fois utiliser un ijtihad d'un savant, même si c'était parmi les plus prédécesseurs, et de le rendre donc comme si c'était en vérité donc un décret, comme si c'était en vérité le Coran de la Sunna, hein, et de délaisser tous les autres par exemple ijtihad qui sont acceptés. Pourquoi? Parce que les qawaid elles restent les mêmes, parce que cela ça a été basé par rapport aux règles, les règles donc justement les ijtihadat, donc elles peuvent très bien être prises comme elles peuvent très bien être acceptées comme elles peuvent être refusées. Donc tu peux pas donc de force faire accepter à quelqu'un un effort d'interprétation d'un savant. Il est sans vérité comme ça, de cette façon-là. Tu peux, c'est pas comme si c'était le Coran ou la Sunna, ou bien s'il y avait en vérité un ittifaq, s'il y a en vérité un consensus. Tu peux pas. Parce que l'ijtihad, c'est pas automatiquement, donc, c'est pas un consensus, un ijtihad. Des fois, donc, si on va trouver un seul savant qui aurait parlé d'un seul sujet, et on n'a pas trouvé d'autres savants qui ont parlé par exemple de ceci, ça ne veut pas dire qu'il y a ittifaq. Et aussi, mais alhamdoulilah, on sait qu'ils reviennent aux mêmes règles. Donc c'est les règles qui sont... on accepte les règles. Les règles, elles restent. Donc comme ça, et selon, on est obligé de les accepter. Mais on ne va pas accepter quoi, en vérité. Donc comment il arrive à cela, c'est pas obligé qu'on accepte après elle, donc c'est ijtihad. Deuxièmement, ou bien grand 2, donc dabt wa ihkam al-qawaid wa al-usul ilman wa amala. Donc là, le sujet est un petit peu difficile, mais c'était pour terminer, parce que ce qu'il y avait auparavant, c'était beaucoup plus facile. Là, ça rentre un petit peu, donc, c'est du livre après, c'est la partie qui est pratiquement la plus difficile. Mais je ne voulais pas le laisser quand même. Donc, ici, donc, il dit « Sawaun fi dhaika qawaid al-ilm, wa al-tawhid, wa al-ittiba, wa al-ibada, wa al-taskiya, wa al-da'wa, wa al-amr, wa al-nahi, wa al-jihad, wa al-ta'amul ma al-waqi' wa al-ihtisam bi sunnah » Donc on va arrêter, donc délimiter les règles. Délimiter, donc les règles, elles sont bien, donc elles démarrent bien à un moment donné, elles terminent bien à un moment donné, elles sont délimitées. Donc on va arrêter les connaître. Que ce soit donc par rapport aux règles de base, que ce soit par rapport à l'acte, ou que ce soit par rapport à la connaissance. De connaître ces règles-là, et aussi de savoir comment on doit mettre en pratique donc ces règles-là. Que ce soit. Donc, comment il y aura des règles délimitées dans tout. Est-ce que dans le hadith, il y a des règles? Pour ça qu'on appelle le mustalah. Hein? Dans le fiqh, il y a des règles. C'est le usul. Et même dans le tawhid, il y a des règles. Mais souvent, on appelle ça donc, le mabadi ou le muqaddimat. Le mabadi ou le muqaddimat. Comment, en vérité, les ulama ils sont arrivés à écrire ces livres-là et quelles règles ils ont respectées pour justement écrire ces livres-là. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il n'y a pas de divergence chez les ulama, spécialement dans les livres du tawhid. On a l'impression que c'est une seule personne qui a écrit tous ces livres-là. Donc dans le tawhid, aussi dans l'ittiba, donc dans la sunna, dans l'adoration, dans la purification, donc tazkiya, c'est-à-dire dans le sens où la purification des âmes, la dawa, donc la prêche, le fait d'ordonner et d'interdire, donc la jihad, tout ce qui est fort, aussi donc comment se comporter avec des situations donc nouvelles, et aussi comment s'accrocher à la sunna. Et comment donc rester avec le groupe, enfin, et autre encore. Tout ça, on va tester des règles. Tout ça, c'est des règles. Des exemples. On a déjà vu les exemples avec l'imam Ahmed. Fait le mihna. Hein, donc, quelque chose de nouveau vient. Et comment il fait? Donc, comment il fait pour protéger la sunna? Et comment il fait aussi pour protéger la jama'a? On l'a bien vu. et comment il fait à Kulhal pour protéger le tawhid. Donc tout cela, bien sûr, ça demande en vérité donc bien sûr de la science. Tout cela en vérité donc ça va demander de la science. Si on parlait du côté donc ilmi, on va voir donc ici il y a des cravates qui sont bien sûr donc c'est ce qu'on appelle donc l'inaya bil qawaid al daruriya li talab al ilm wa intifa' bi ka tasih al niya wa al ikhlas tahqiqan wa tahsin yani tahsinan kadhalika li fadl al ittiba' wa al iqtida bin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa iqamat al din wa hifdhan al sharia wa talaban lil tamkin. Donc déjà par rapport à ilm, si la personne réellement elle veut protéger cette religion et qu'elle a décidé d'apprendre sa religion, donc déjà il doit être déjà sincère. Donc il lui montre en vérité donc les muqaddimat ici. Donc comment il doit? Il doit déjà donc purifier son attention. Donc il va bien sûr donc purifier son attention en concrétisant donc cette purification, le fait d'être donc pur dans son attention. Et il va chercher à arriver, c'est-à-dire arriver donc comment il va pouvoir suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prendre en exemple. Et comment aussi il va donc pouvoir donc mettre en œuvre, en application sa religion. Et pour protéger aussi donc la charia, parce que c'est une protection de la charia. Donc plus on verra les gens pratiquer, plus on va être la charia, les protéger. C'est de cette façon-là. Et aussi il va rechercher à être bien sûr bon dans son domaine. Pourquoi pas? Donc il va chercher en vérité à être le meilleur possible, à avoir donc à tenir donc ce domaine comme il le faut. كما يتأكد تقديم العناية بالتوحيد والإيمان والتثنية بالفقه والأحكام مع الحرص على جوانب المثمرة من العلوم والبعد عن الترف الفكري والجدال العقيم. Comme par exemple donc il va bien sûr il va mettre en avant donc il va mettre en avant et il va donner de l'importance à l'unicité, à la foi. Et il fera passer après ça, donc, le fiqh, donc la jurisprudence et les règles religieuses. Sachez que de savoir comment, donc, qui est Allah, ça reste plus important que comment, donc, je vais passer ma journée à Mina, par exemple. Tu rentres dans l'islam, connaître Allah, c'est plus important que connaître, d'accord? C'est plus important que connaître, savoir, enfin, comment tu vas te comporter et quel. Comment je dois prier Amina, par exemple, pendant le Hajj. C'est un exemple. Tu vas bien sûr aussi donc prêter attention donc aux fruits qui découlent hein, donc de ces sciences-là, tout en t'éloignant hein, donc du fikr, hein, donc en vérité de ce qui vient de la pensée, hein, de la raison pure, dans le sens où c'est pas donc islamique, mais ça vient de ta pensée. Et c'est ta pensée qui décide de ce qui est bien, ce qui est mauvais pour l'islam, sans savoir si cela est vrai ou si cela est faux, et aussi de rentrer dans le djedel, dans en vérité donc, les discussions profondes qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Parce que le djedel, pourquoi il dit ça? Parce que justement, le djedel, c'est parmi, c'est une parmi, donc le djedel et le qiyas al-fasad, c'est parmi donc, les règles justement les plus graves qui ont éloigné les gens. Le djedel, ça va être les discussions qui sont futiles. D'accord? Il y a le djedel qui est permis. Parce que toi, tu vas montrer aux gens la vérité. Lui, il est perdu, donc tu vas lui montrer. Il va sûrement te poser des questions. Il va dire, oui, mais je ne comprends pas ça. Donc tu dois lui expliquer. Ça s'appelle un djedel. Mais ça, c'est un djedel qui est permis. Mais là, on parle du djedel qui n'est pas permis. Il va commencer à partir dans des discussions qui sont profondes. Il va peut-être parler sur Allah, il va dire n'importe quoi. Il va parler sur les anges, ou bien sur tout ce qui est dans le domaine de l'invisible, il va dire n'importe quoi. Et toi, tu entres avec lui dans ce domaine-là. Les ulama le font pour montrer aux gens l'égarement des gens dans les livres. Mais ça, c'est permis. Mais de façon générale, comme ça, on évite donc ce genre de paroles. Donc, s'éloigner de tout ça, et justement, donc, déjà, d'un djedel qui est profond. Alors, jusqu'à ce que, c'est pour ça que les gens, généralement, les sectes qui ont été trop loin dans ça, on voit qu'ils arrivent à quoi? En général, à ilhad. À justement, à renier Allah subhanahu wa ta'ala, de façon générale. Que ce soit kulli ou bien juz'i. Que ce soit donc. Le fait de renier totalement, ou bien le fait de renier donc certains points, comme le fait de renier les noms, comme le fait de renier les attributs, ou bien donc certains attributs, la khili. Et aussi, i'timad talaqi an al-akabir fi kulli ilm bil-waqiyani wal-mushafa wal-inaya bi kutub ahli sunna sawa'un fil-i'tiqad aw al-usul wal-ahkam ma'a tanbih إلى خطورة الآفات والمزالق في طريق طلب العلم، كتصدر قبل التأهل، وكذلك التوقير قبل أوانيه، والعزلة عن واقع الأمة، والوالع بالغرائب، والتعصب للرأي والمذهب، وإزدراء المخالف. Donc ici, tu vois justement, toujours par rapport à ça, pour que la personne soit un bon étudiant et qu'il soit justement, pour que la personne fasse partie en vérité donc de ceux qui veulent connaître, le fait que ce livre-là, c'est justement par rapport à la science du Tawhid. Là, on parle en vérité de comment connaître la science du Tawhid. Donc ici, c'est comme s'il parlait à des étudiants. Donc, pour bien apprendre, c'est en vérité de prendre de chez les plus grands, Anil Kabir. Si maintenant, les Kibar, ils ont écrit des livres de hadith, tu ne vas pas commencer à délaisser tout ce qui est Bukhari, Muslim et l'Akhiri, puis tu vas prendre des livres de hadith qui seraient d'autres. Hein, si les grands, ils ont écrit dans le Tawhid, tu vas prendre deux, parce que ce sont justement des Maraj, ce sont des Masadir. Tu ne vas pas prendre deux livres d'inconnus que tu ne connais pas, même s'il y a parlé sur le Tawhid. Donc si tu ne recherches que des inconnus, que tu délaisses les grands, il y a un problème. Donc de prendre deux. Et pourquoi pas d'être en face d'eux, de prendre directement deux, comme Mouchafin, le fait d'écouter deux et de prendre deux. Et aussi de prêter attention aux livres des gens de la Sunna, que ce soit donc dans le dogme, dans les bases, hein, dans le usul, et dans l'ahkam, dans les règles. Tout en aussi, bien sûr, prêtant attention au danger de ce qui pourrait en vérité te faire glisser par rapport à la voie de la protestation de la religion. Car, hein, comme le fait de vouloir, donc de devenir un imam directement alors que la personne n'a pas encore la science. Elle décide en vérité de devenir lui, donc le mufti, et il ramène les gens à lui, il ne les ramène pas aux savants. Il veut que ça s'arrête à lui. Ça, c'est un danger. Hein, donc, en vérité, donc, de mettre tout simplement en vérité donc, la charrue avant les bœufs. Et aussi de ne pas savoir ce qui se passe autour de soi. Hein, d'être totalement en vérité enfermé. Il faut que tu saches. Parce que tu vas te retrouver des fois face à des situations. Donc, c'est bien de connaître un minimum de ce qu'il y a autour de soi. On n'a pas dit ilm al-waqi', ça veut dire que matin et soir, tu es dans tous les journaux. Attaché tous les journaux possibles, tu vis que dans ça. Waqi' al-umma, après les ulama, ils savent ce qui se passe. C'est de savoir ce qui se passe autour de toi, mais tout en vérité, ne pas exagérer, ne pas faire devancer tout ce qui se passe, et tous les dires, et tout il a dit, et elle a dit, hein, donc dans les journaux, dans la télé, ou dans quoi que ce soit, et tu délaisses à côté la science religieuse. Donc il faut savoir arrêter ça, donner son temps à cela. Et aussi donc d'entrer dans des sujets qui sont donc rares, d'entrer trop avec les gens, donc dans des sujets avec qui n'ont pas directement arrêté donc leur place vraiment. Et donc des fois on peut trouver, hein, comme on voit dans un certain madhab, où des fois ils viennent poser des questions, et s'il y avait ça, s'il y avait ça, s'il y avait ça, hein, donc même si c'est des choses qui n'arrivent pratiquement jamais, ou bien ça va arriver à une personne tous les X millions. Donc c'est pas, il y a des gens qui ne cherchent que ce genre de sujet-là. Al-gharaib, donc ces sujets en vérité qui sont rares et bizarres. Ou bien aussi le fait d'être en vérité donc accroché à quoi ? À une idée. Right. C'est comme ça, khalas. La akhruj. Et je vais me débrouiller pour dire que ce chéri a toujours raison. Je vais inventer une règle. Comme ça je me reste coincé. C'est un muhaddith, les autres c'est des fuqaha. Le muhaddith est meilleur que le fuqaha, et puis khalas, donc il a toujours raison. Ça se termine là. Donc le Cheikh Al-Albani a toujours raison, et le Cheikh Al-Albani a toujours tort. Si le Cheikh Al-Albani avait toujours tort, et le Cheikh Al-Albani avait toujours raison, donc le Cheikh Al-Albani, ça serait un djihad, si il avait toujours tort. Wa hasha, le Cheikh Al-Albani, rahmallah. Donc il y a des gens qui utilisent ce genre de choses, c'est un exemple. Ça c'est... Pourquoi ? Les annahu muta'assib, les Al-Albani, mafalan, kulhum indana, alhamdulillah, ulama. C'est tous chez nous, alhamdulillah, des grands savants. On ne regarde pas comme ça. On va pas inventer une règle qui est sortie de nulle part, qui n'existe pas dans l'islam, et puis on la prend et on la claque comme ça. C'est pas vrai. Parce que la tariqa de l'un ou de l'autre, elle se ressemble fortement. L'autre aussi, Ibn Bayt par exemple, il prête fortement attention, justement, au tasrih ou au tadrif. Il fait attention à ça. C'est pas le premier. Donc il sait ce que c'est qu'un sahih. Mieux que celui qui croit ça. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils disent, c'est une règle. Ils ont inventé une règle qui n'existe pas. Donc c'est un muhaddith, le saint faqih. C'est un faqih, donc le faqih a toujours tort. S'il avait toujours tort, ben, il n'y a plus besoin de dire que c'est un alim. Donc c'est un exemple. Imaginez-vous, donc on peut même des fois être parmi les gens de la sunna et tomber dans le ta'assoub. Hein? Là, on n'est pas ta'assoub, donc seulement, c'est pas juste, je suis malikite et les malikites ont toujours raison. Là, je suis shafi'ite ou bien un hanbalite et ils ont toujours raison. On ne parle même pas de ça, on parle des fois, dans, justement, je veux dire, après les jeux de soucis, il faut partir des gens de la sunna. Mais pas dans un madhab, des fois, juste par rapport à un shars. Ou, donc aussi, rejeter et dénigrer des fois la vie de celui qui ne serait pas d'accord avec toi, à partir du moment où c'est un ijtihad. On ne parle pas de à partir du moment où son avis est totalement faux. On parle à partir du moment où c'est permis. Donc aussi par rapport au tawhid, le hirsu ala salamati al-aqida bil-i'timad ala al-kitab wa-sunna wa talaqiha bi-fahmi sahaba wa-salaf al-umma wa taslim lillahi azza wa jal wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam min ghayri ta'arrudin li-nusus al-wahyan bi-mu'aradat munaqada wa tark taqlid fi masadir al-talaqi wa tasfiyatiha min kulli manhaj kalami mardoud ou shog falsafi madhmoum. Donc ici, toujours par rapport à notre parole, on est toujours dans le tawhid, donc le fait de prêter attention à avoir un bon dogme. Salamatul aqida. Parce que l'aqida, c'est en vérité de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de parler donc de ce que Allah est, de ce que Allah fait, et aussi de ce que Allah demande de toi. C'est ça l'aqida. Il y a trois points. Donc c'est uluhiyya, rububiyya, asma wa sifat. Il y a le qaz wa talab. Donc il y a la niya et la demande. Donc le fait de la recherche, de rechercher où est la vérité pour justement pour adorer. C'est un talab, ça c'est un talab. Pour le ulama zodiac talab, parce que tu fais les efforts. Quand tu entends talab, ça veut dire que c'est pas on m'a ordonné alors je fais. Si on m'aurait pas ordonné, je ne fais pas. Il y a aussi le fait de rechercher. De rechercher toujours à faire dans ce qui est meilleur. C'est pour ça qu'on dit talab. La recherche. Donc ici tu dois protéger par rapport à justement hein, ce que Allah Azzawajal est, donc dans ses noms et dans ses attributs, de ce que Allah Azzawajal dit, de ce qu'il a ordonné, donc c'est l'Uluhiyya, ce qu'il a ordonné, et de ce que Allah Azzawajal aussi fait, donc Rububiyya, donc les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. On retrouve dans ces trois points-là. Et pour cela, donc tu vas revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la sunna, en bien sûr te basant par la compréhension de Abu Bakr Siddiq, de Omar, de Othman, de Ali, hein, de Muawiya, d'Ibn Abbas, d'Ibn Mas'ud et d'autres, d'Abu Huraira, et on continuerait avec les tabi'in comme Ibn Musayyib et d'autres encore. Donc, Salaf Hadil Umma, les plus prédécesseurs de cette communauté, qui ont été élèves directs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ou bien qui ont été élèves des élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la meilleure compréhension. Et tu ne vas pas donc repousser un verset ou le Coran, la Sunna, que ce soit un texte du Coran ou de la Sunna, par justement par une règle ou quoi que ce soit. Tu ne vas pas repousser ça, mu'arada. Tu ne vas pas te détourner ou tu vas repousser par quelque chose qui serait contraire. Et tu vas aussi, donc, bien sûr, délaisser les mélanges. Parce qu'il y a des gens qui prennent les versets, mais ils mélangent. Ils ont rajouté dedans donc le tahrif ou bien ta'wilat. Donc ils vont dire que ce verset veut dire cela. Donc par exemple, istawa, par exemple. Ou autre, hein, yedullah, donc ils vont dire le Qudra mathalan, ils vont dire comme ça, c'est pas la main d'Allah, mais ils vont dire c'est sa force. Si c'était sa force, ça serait bien sûr pas toi qui l'aurais trouvé, ça aurait été dit directement par Allah subhanahu wa ta'ala ou bien par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne elle doit purifier, c'est l'obligation que ce soit purifié de toute, donc de toute voix qui amène à la parole, kalami, donc ahlul kalam. Parmi Al-Jahmiya, hein, donc Al-Mu'tazila, Al-Sha'ira, c'est eux Ahlul Kalam. Et aussi par rapport à Al-Falasifa, parce que c'est pas pareil. Donc, où tu vas délaisser la philosophie et la rhétorique. Tu vas pas donc utiliser, donc ça veut dire ça ou bien ça. Et la philosophie, en réalité, c'est de partir. La philosophie, c'est encore plus grave. C'est parce qu'en réalité, la philosophie, c'est quoi la philosophie? C'est que là, il y a un verre, je vais me débrouiller pour qu'il y a deux verres. C'est ça la philosophie, il y a deux vers. Hein? Donc c'est ça la philosophie, ça en vérité, terrier, ça en vérité ramené, donc c'est l'imagination, c'est l'imaginaire. Et ça rentre dans la philosophie, et ça c'est justement, donc c'est parmi Shia, ils sont tombés, donc ils sont arrivés à, donc parmi les élèves de cela, donc Shia, Rawafid, donc, et après tout ce qui est secte, Ibn Bartaniya, tout ce qui est secte, Ibn Bartaniya. Donc on ne va pas rentrer dans le détail. Donc c'est pour ça que, et comment on va faire par rapport à cela? Donc on va donc se protéger. Donc c'est Sadoul Beb, al-Ibtida, ou al-Ihdath fid-Din. Donc dès le départ, tu vas te protéger. Et tu peux te protéger que par fermer la porte à quoi ? À l'innovation. Al-ibtida. Wal-ihdath fi din. Et d'inventer quelque chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça commence comme ça. ورد جميع ما خالف سنة سيد الأنبياء والمرسلين. Et de rejeter tout جميع الأشياء, tout ce qui est en contradiction avec la sunna du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. مع الاحتياط التام في جانب التبديع والتكفير للمخالف من أهل القبلة والجهلة يعني وجهلة العوام من أهل الملة. لشبهة يعني بدأت أو سوء تأويل أو التفريق بين القول وقائله والفعل وفاعله. Donc tout en respectant, on va te dire, c'est-à-dire tout en gardant les règles, bien sûr. Hein, donc il faut se protéger par rapport à ça, de ne pas rendre le premier venu, premier qui faudrait, donc il viendra faire une bida, comme Mubtada. On va pas le taxer de Mubtada jusqu'à ce qu'il y a donc des conditions, il y a des étapes, afin qu'il soit taxé de Mubtada, il faut des étapes. Ou bien pour dire que c'est un kafir, il faut aussi des étapes. C'est pas comme ça. Donc surtout si il fait partie, donc il fait partie des musulmans de façon générale, ou bien si c'est parmi un ignorant, quelqu'un qui ne connaît pas. Et lui, l'imam, dont il a confiance, il lui dit ça, tu peux le faire. Et peut-être l'imam, il a lu un hadith. Le hadith, il est peut-être maudour, mais là, tu ne sais pas que c'est un. Donc ça, c'est une chouba. Ça reste une chouba. Par exemple, c'est celui qui aurait fait cette bidah, par exemple. Donc, ou une mauvaise compréhension. Donc des fois, il y a une chouba. Ça peut être par une mauvaise compréhension. Et donc il faut faire la différence des fois entre la bidah. Et donc, c'est-à-dire le qol ou le qa'il, la parole qui a été prononcée par la personne et la personne en elle-même, ou l'acte qui a été fait par cette personne et la personne en elle-même. Donc, il faut faire attention. Et parmi aussi tout cela, comment on va protéger le tawhid ? C'est tahqiq shumuliyat ilm al-aqida li abwabiha kafa li jam' bayna al-tawhidi al-rububiyya wal-uluhiyya fil inaya wal-ard wal-ta'lim. Donc en vérité, c'est de concrétiser donc le côté donc général hein, dans la science du tawhid. Donc en bien sûr en connaissant le tawhid par toutes ses portes et de rejoindre, d'assembler donc entre les deux tawhid qui sont connus, donc Rububiya et Uluhiya. Donc ce que Rububiya c'est les actes d'Allah, Af'al Allah. Et Uluhiya c'est Af'al al-Ibad. Donc les actes d'Allah et les actes des serviteurs. Donc le fait de prêter attention, qu'est-ce que Allah nous a demandé ? On va voir ça dans la sunna, dans le Coran et dans la sunna. Les textes sont rassemblés, l'ard, et comment ça va être bien sûr placé, dans quelle partie mathalen, et aussi enseigner cela. Donc voilà comment les ulama ils procèdent. Wa kadha al-jam' fi tanawul bayn qadaya al-iman wa haqa'iqihi wa mubtilatihi wa nawaqidihi wa al-inaya bi-tawhid al-asma wa al-sifat بجانبه العلمي النظري والعملي التربوي. Et aussi bien sûr de prêter attention donc au sujet de la foi et donc de la réalité de la foi, ainsi de que ce qui va venir annuler la foi. بعد الأشياء تبطل الإيمان. Il y a des paroles ou il y a des actes qui peuvent donc annuler la foi. Donc là, les gens doivent savoir ça. Ils doivent connaître en vérité ce qui viendra annuler, afin de ne pas sombrer justement dans ce qui va justement annuler cette foi là. Et aussi, bien sûr, de prêter attention à la vérité la meilleure des sciences, c'est l'asma wa sifat. Parce qu'en ce moment-là, tu es en train de parler d'Allah Azza wa Jal. Donc, il n'y a pas meilleur en réalité dans l'islam que de connaître Allah Azza wa Jal et de connaître ses noms et ses attributs. L'asma wa sifat, donc, c'est ashraf al-ulum. C'est la science la plus noble qui doit être en réalité connue par tout le monde. Tout le monde doit connaître, ne serait-ce un minimum. Donc, ce sujet-là. On ne demande pas d'être érudit, mais de au moins d'avoir, ne serait-ce que des règles de base dans l'asma wa sifat. Dans l'asma wa sifat, il y a des règles de base à savoir. Non. Donc pourquoi ? Parce que non seulement tu vas donc prêter attention à ici à la science qu'on appelle donc le janib al-ilmi al-nazari, donc ce que tu vois dans les textes et ce que tu apprends, et qu'est-ce que cela va en vérité influer sur toi ? L'asma wa sifat, ça a des traces sur toi. Donc ça doit avoir normalement, donc ça doit en vérité influencer. Ça doit influencer ta personne. Donc ça c'est justement donc l'amali tarbawi, ça va t'éduquer. En réalité, tu vas être éduqué par cela. Mu'min zalika muwajahat al-inhirafat al-mu'asira bi tahqiq 'aqidat al-bara' min kulli mukhalif yani kullun yani bi hizbihi وتأصيل عقيدة الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كل بحسبه. Et aussi, donc, tu vas te retrouver face à des sectes, des groupes, ou des gens qui amènent des nouvelles choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu vas automatiquement être allié, ou, donc, comment en vérité tu vas être plutôt, tu vas plutôt t'innocenter, donc, de tout ce qui est contraire, hein, donc, à la vraie voie. Tu ne vas pas dire que lui, c'est un gros soufi, il dit Allah il est en moi, et tu vas dire je l'aime beaucoup. Si tu dis que Hadek Soufi qui dit qu'Allah il est en lui, tu dis je l'aime beaucoup, donc on va dire que tu as un problème dans ta aqida. Tu dis salafi, mais pourtant tu as un problème dans ta aqida, c'est parce que tu n'as pas non que respecté Hadel Janib, ce côté-là, dans le bara. Tu dois t'innocenter de celui qui va dire ça. De celui qui va dire qu'Allah il est dans le chien, et qu'Allah il est dans le porc, et qu'Allah il est fait couler Mekan. Tu es obligé en vérité donc d'avoir un. Tu dois avoir une position face à cela. Parce que tu sais quoi? C'est ta jalousie pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, donc ton amour et la jalousie de quoi? De protéger donc sainement la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu es obligé d'avoir donc justement el bara min zalika. Et bien sûr chaque personne c'est selon, parce que c'est ça parmi la aqida des gens de la sunna et du 66. Donc plus les gens seront dans la sunna, plus tu vas les aimer, et moins donc voilà, tu vas les aimer selon ce qu'ils font de bien et selon aussi ce qu'ils font de mal. Donc ça va, c'est comme ça, tu vas les détester selon ce qu'ils font de mal. Donc il y a des mots, des choses qui sont mal, mais qui sont moins graves que d'autres. Donc, automatiquement, ta haine, ou plutôt que tu vas te dire ton désavouement sur lui, il sera moins fort que ton désavouement sur quelqu'un qui va même faire du shirk, par exemple. Donc, c'est selon en vérité, donc bien sûr, comment tu dois te comporter. Et c'est la même chose pour les gens de la Sunna du 66. Tu vas aimer, plus les gens vont se rapprocher de la Sunna, plus tu vas t'aimer. Tu dois les aimer. Tu ne vas pas aimer, n'importe quel sunnite, de la même façon que tu vas aimer un grand savant connu et reconnu. Parce que tu sais très bien que lui, comment il s'est rapproché d'Allah Azza wa Jal. Hein, comment il a donc, pratiqué la sunna, comment il a protégé la sunna, comment il a fait da'wah pour la sunna. Donc l'amour, il sera différent. C'est un amour qui est obligatoire en plus. Il reste obligatoire. C'est un wajib. On min zalika rabt al-aqida bi afariha al-amaliya min istiqamati al-akhlaq. وانضباط السلوك وتحرك بالدعوة إليها فترى في أهداف صاحبها وتسمع في أقواله وتقرأ في كتابته. Donc tu vas aussi bien sûr donc faire un lien entre le tawhid et les traces que délaisse ce tawhid. Donc ce tawhid donc il va laisser en vérité donc des fruits, il va porter des fruits dans l'acte, dans justement dans quoi? Dans le bon comportement que la personne va avoir. Donc quand on dit le bon comportement, comportement d'abord avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de comportement, on parle de tout. On parle même en vérité de son adoration, la prière, le hajj et l'akhiri. On parle même de ça. Quand on dit comportement, ce look, ça entre même dans le comportement, mais comment il va se comporter dans la prière. Mathalan. Et aussi, comment il va donc essayer d'avoir donc, toujours donc, une bonne façon d'agir. Et comment il va aussi prêcher les gens par rapport à cela. Donc on verra. Donc tu verras cela après par rapport à comment la personne est, de ce qu'il dit et de ce qu'il a écrit maintenant. Et tu vas reconnaître. Donc les ulama qui ont écrit, qui ont œuvré la khédihi, on connaît. On connaît des ulama de l'islam. On ne connaît pas que en réalité ce qu'ils ont écrit. Mais on connaît aussi comment ils ont vécu. Parce qu'ils ont une sira. Et c'est les autres ulama qui ont dit celui-là il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Mais enfin j'ai voyagé avec lui, je l'ai vu comme ça. Il a fait ceci, il a fait cela. Il jeûnait beaucoup, il priait beaucoup la nuit, il donnait beaucoup de son argent, il a fait. Il parlait peu, il ressemblait fort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses de sa vie. C'est pas lui qui est venu la raconter. C'est des gens qui ont vécu avec lui qui l'ont raconté. Et lui, nous, on connaît de lui, de ce qu'il nous a, hein, par rapport à ce qu'il a dit lui, par rapport à la science. Mais on a vu que ça a eu une grande influence, parce qu'il met en pratique, et les autres savants nous ont donc raconté leur biographie. On met Zalika Soudour. عنها في تقويم الأشخاص والأحداث والمواقف واتخاذها دون غيرها من الأسماء والشعارات معقدا لتفرق وفيصلا يعني بين الخلق وتخييد بها في منهج الدعوة كله ورفض الوسائل التي تنافيها والأساليب التي تناقضها. Aussi ici donc le fait de revenir donc à ça, pour justement en vérité, donc en vérité que les gens, pour former ou forger des personnes, hein, forger des personnes par rapport justement, donc forger des personnes, et comment ça sera aussi par rapport à des situations, par rapport donc tu forges en vérité des personnes vis-à-vis à Kulahel, donc des événements, vis-à-vis des situations, dans le sens où il faut revenir à ça, pour justement, ou plutôt il faut revenir à ça, pour pouvoir en vérité donc savoir qui plutôt est bien, est-ce que cette situation elle est convenable, est-ce que donc cet événement il est comment on doit se comporter par rapport à cet événement, donc juste donc en prenant, en revenant à cela, et en ne revenant pas à autre chose, à des nouveaux noms. Hein, maintenant il y a des nouveaux noms. Il y a des nouveaux chinois, il y a aussi donc des nouveaux étendards, si on peut dire ça comme ça. Et ces étendards à ce moment-là sont venus que pour diviser les gens. Mais enfin, les grands événements qu'il y a eu ces dernières années-là, les gens ils ont plus besoin. Maintenant ils achètent la parabole, ils claquent, ils regardent le premier venu qui dit n'importe quoi, ils acceptent. Qalou fait-il fait, ça lui suffit. Là, il revient pas aux ulama. Et on a vu le verset auparavant. Et on a vu que le verset, c'est comme quoi ils doivent revenir, s'ils revenaient aux, à l'envoyé et à ceux qui donc détiennent l'autorité, c'est-à-dire le ulama, ils auraient compris, donc c'est lui justement qui ressort justement les règles de religion par rapport à cela. Donc c'est devenu n'importe quelle personne qui est en vérité le grand mufti, maintenant, à cause de la télé. Donc il faut faire attention à ça. Mais ça coule wahid. Elle a dit, takallamu fi tilfa, ça huwa alim. C'est pas parce que quelqu'un passe à la télé que c'est un alim. Mais ou bi dalil aina العلماء كالفوزان وغيرهم لماذا ما نراهم في هذه القنوات وخاصة في هذه الأشياء pourquoi on ne voit pas les kibars justement comment ça se fait qu'ils ne sont pas là alors que ça serait normalement à eux de parler et ça devrait s'arrêter que à eux que aux grands savants surtout par rapport aux sujets qui sont importants les grands sujets ils reviennent aux grands savants tout simplement donc c'est plus par rapport à ça parce que les gens ils vont diviser les gens ils ramènent Foulain عنده اتجاه شيعي. Il ramène un tel, il va te parler justement pour que tu deviennes un chiite. Ils vont ramener des gens dans la journée nationale du consensus et ils font la promotion des chiites. Les gens ne le savent même pas. Et ils acceptent. Tariq Souaydan. Pas besoin. Alladina yani samiru min Tariq Souaydan khasatan fi le fi sira ila khali fi sahaba asbahu yubghidun Abu Huraira. Ceux qui ont écouté Tariq Souaydan fi Saoudi, on avait une voisine. Elle écoutait. Donc, ça lui a été expliqué pour qu'elle arrête d'écouter justement cela. Elle a dit, voilà, elle a dit, je commençais à détester Abu Huraira. Je commençais à détester Abu Huraira. Ils viennent au nom de la Sunna et ils te font détester les compagnons du prophète. Le Allah. Fa kayfa dhalika? Parce que Nes Akhazou min Shars, ça a publicité, c'est de la publicité baisse. Donc, mais yakfi, nous on veut que ce soit donc du ilm, pas de la publicité et du beau parler. Ça, c'est pas suffisant. Et ça se propage partout parce qu'il y a des gens qui ont ces afka. Et en vérité, Shia, ils sont contents de propager ça. Ils ont commencé justement à quoi à... Donc, c'est ce qu'il fait. Si tu vois comment il parle sur les compagnons, tu comprends qu'en vérité, toi, tu crois qu'il dit du bien, mais en vérité, il les dénigre. Ils ont déjà salé, ils savent comment utiliser les gens. Donc, revenez tout le temps à Kulhel, au ulama par rapport à cela. Donc, ils font bien sûr, par rapport à cela, le fait que ces gens-là, ils divisent. À partir du moment qu'ils vont te diviser, si tu es loin des compagnons, ça y est, tu es entré dans la division. Il faut pour cela revenir donc à la voie des plus prédécesseurs hein, dans toute la da'wa. Fid da'wa kulli, dans toute la da'wa. Et aussi rejeter les wasail, donc les moyens ou les faux moyens qui vont en vérité, que les gens font croire qu'ils vont en vérité que c'est une da'wa. Ce n'est pas vrai. Hein? Les gens, ici en France, lorsque les gens ils ont commencé à jmaa les gens dans des salles, yallah, ça ne dépasse pas l'anachid. Il n'y a jamais d'ilm, ça ne dépasse pas l'anachid. Les gens lui disent à leur chef, mais on fait que l'anachid. Il dit, ouais, c'est pour attirer les gens. On va rester comme ça 3 ans. Je sais que ce n'est pas comme ça. Il dit, on va rester comme ça 3 ans, et dans 3 ans, on va changer. Ça fait 15 ans, ils n'ont pas changé. Il ne va pas changer. Il ose même dire, en tant que chef, comme quoi qu'il est dans le faux. Là, là, parce que lui-même, il reconnaît qu'il est dans l'erreur. Ça, c'est quoi, vous voyez? Ça, c'est pas un da'i. Lui-même, il reconnaît qu'il est dans l'erreur et il dit que plus tard, on va changer. C'est pour attirer les gens. Là, on attire les gens avec le Coran et la Sunna. Parce que c'est comme ça que la foi, elle va rentrer dans le cœur. C'est pas avec des chansons et des je ne sais pas quoi. Et ils font ça. Ils disent, mais on fait que ça. Ils ne sortent pas du contexte. ذلك يعني هؤلاء جهال. C'est pour ça qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants d'énormément de choses. Ils ont X années dans l'islam, mais ils sont ignorants, même des plus petits sujets qu'on pourrait dire. Des sujets en vérité qui sont de base dont les gens doivent connaître, normalement. C'est là? Hein? ومن أهم يعني ما يذكر فلا ينسى يعني اتقاد يعني جذوة تضحية في سبيلها واستعذاب المشاق في نصرتها وبذل النفوس والنفيس يعني في رفعتها والتكثير السواد أهلها. Et aussi donc parmi donc justement les choses les plus importantes qu'il faut pas oublier donc c'est en vérité de que la personne en vérité donc, va faire les efforts, elle va en vérité donc faire énormément d'efforts. Elle va faire en vérité énormément d'efforts pour protéger justement donc ce qui est saint de cette religion. Il va se fatiguer, donc il va en vérité justement pour que cette religion elle soit donc elle qui sera vainqueur, dans le sens où c'est elle qui va prévaloir, ou plutôt cette façon de faire. Et ils vont donner des efforts donc de leur corps et d'akhiri pour justement élever cette voie là. Et que pour que les gens soient nombreux dans cette voie-là. C'est ce que je dis, donc il ne faut pas bien sûr donc, oublier. كذلك في الجانب الاتباع يطلب يعني تحقيقه وتقعيده يعني علميا وعمليا. Donc aussi le fait de concrétiser donc, le suivi et de le tenir comme ils le font en vérité par l'acte et par aussi la connaissance. والحذر بالحذر من اتباع الهوى والتقديم بين يدي الله عز وجل ورسوله بقول donc aussi le fait d'être contre et de repousser donc de prévenir les gens de se prémunir contre le fait de suivre les passions et de faire passer sa passion avant la, donc Allah Azza wa Jalla et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam par une seule parole ou par un seul ra'i. Ils ont dit à l'imam Shafi'i, est-ce que toi tu dis de ce hadith? Ils ont lu à l'imam Shafi'i donc un hadith qui est authentique. Ils ont dit, est-ce que tu lis de ce hadith? L'imam Shafi'i lui a dit, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'as vu donc avec une corde? C'est-à-dire, c'est qui est-ce qui a les cordes? C'est les chrétiens qui ont donc les curés, tout ça, les moines, ils ont quoi? Ils ont une corde. Et c'est quoi cette corde? En vérité, c'est une croix. Le nœud, c'est en réalité, donc le parmi la corde, c'est une croix. Donc il dit, est-ce que tu m'as vu avec une corde? Ou je fais une croix dans mon tamis? C'est pour ça que c'est interdit, que nous, on n'a pas le droit d'avoir, de prendre, donc de faire une corde. On n'a pas le droit d'avoir ça. Parce que c'est quoi? Ça veut dire, en vérité, c'est... On a fait la croix. Il dit, est-ce que tu m'avais avec une corde? Donc, comme quoi ça dirait? Donc, attaché donc, ici autour de mes hanches. Est-ce que tu m'as vu sortir d'une église? Mais là, c'est un hadith du prophète. Comment je ne vais pas le prendre? Je suis obligé de le prendre. Mon madhab, c'est... malgré que c'est le même chef, malgré que c'est un grand savant, il n'y a pas du... Je prends pas. C'est la parole du prophète, ça va, c'est mieux, il accepte. Le décret, tu l'as dit, ça. Regardez comment il lui a répondu. Il lui a répondu sévèrement. Il lui a dit, est-ce que tu m'as avec une corde? Est-ce que tu m'as vu sortir d'une église? Mais non, je suis obligé de prendre, si c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne prends pas de ce que je veux et de ce que je ne veux pas. On n'a pas nus muslim ou bien robot muslim. Ça n'existe pas. C'est en réalité l'islam, tu dois l'accepter donc totalement et complètement. Barakallahu fikum. Donc on n'a pas terminé le ma'alish, de toute façon, prochaine fois. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.